La chronique cinéma. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je fais ? Tu deviens complètement con ou quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je suis le parrain de ton fils. Mais enfin ! Lutin, malin, pestil ! Waouh ! Je la veux encore ! Ça ne doit plus arriver ! Ça fait partie des listes de choses qui ne doivent plus arriver ! Franchement ! C'est à moi. Je suis ma reine la bonne fée. Bon con, bonne conne, chers amis auditeurices, bonjour à tous et bienvenue dans la chronique cinéma d'Hubert Félix Typhon. Alors j'espère que vous avez passé une très bonne janguille. La mienne était merveilleuse. Grâce à ces moments festifs, j'ai appris à mieux connaître la personne de janguille, son caractère, ses goûts, ses habitudes, son anatomie. Franchement, avec tous ces éléments, il y a de quoi faire un biopic. C'est d'ailleurs le thème de cette deuxième chronique cinéma de la saison 2, les biopics, ou du moins les meilleurs, selon moi, disons-le tout de suite, mes préférés quoi. Alors d'abord, un biopic, c'est quoi ? Eh bien, c'est un film dont la dramaturgie se construit autour d'un personnage existant ou qui a réellement existé. Donc en général, le film dresse le portrait d'une grande femme ou d'un grand homme qui a marqué l'histoire par ses actes politiques, scientifiques, artistiques, etc. Après, la part de fiction apportée au récit est plus ou moins importante. Ça dépend du parti pris du réalisateur et c'est de toute façon ce qui nous fait rêver. Alors j'ai dit grandes femmes et grands hommes parce que oui, les biopics ont tendance à sublimer ces personnages, parfois même à les faire sortir de l'ombre. Mais il faut dire qu'il existe quand même des différences entre les biopics masculins et les biopics féminins. Les biopics masculins tendent plutôt à héroïser leurs protagonistes. Par exemple, dans Gainsbourg, vie héroïque, déjà la réponse est dans le titre, le film se termine sur un Serge Gainsbourg qui prend la route dans un dernier élan de liberté. Tandis que si on prend le film La Môme, on est face à une Édith Piaf prisonnière de ses addictions et de la maladie, faisant d'elle un véritable personnage mélodramatique en souffrance. On connaît en tant que spectateur le destin tragique de ces deux icônes de la chanson française et pourtant, à l'écran, ils ne subissent pas le même traitement. Il existe bien sûr des exceptions, mais je vous laisse méditer sur la question. Le temps d'une chanson. J'avoue, j'en ai bavé par vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous, nous aimions le temps d'une chanson. Votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain de vous, à l'amour, j'avais... Viens me chercher. De fait, arrêtons-nous un peu sur Gainsbourg, vie héroïque. Premier long-métrage du dessinateur Johann Sfar, sorti en 2010, le film a quelque chose d'onérique puisqu'il dépeint le portrait d'un Gainsbourg un peu schizophrénique, ses angoisses étant représentées par un double de lui-même dégingandé, une sorte de pantin aux traits exagérés dont Gainsbourg semble être la marionnette. Mais qui tient les ficelles ? Bref, c'est savamment mis en scène, poétique et intelligent, on passe un très bon moment. Et selon vous, sur une échelle de 1 à Benjamin Biolay, comment est la laine de Serge Gainsbourg ? La mienne est comme ça. Dans le même registre, nous avons découvert la semaine dernière avec Madame la Directrice le film Barbara réalisé par Mathieu Amalric en 2017. Lui aussi est tout en poésie et en jeu de miroir. Amalric y joue le rôle d'un réalisateur faisant un film sur Barbara, campé par son épouse à la ville, Jeanne Balibar, qui se prend au jeu un éblouissant jeu d'imitation de la Dame en Noir, le tout alterné avec des images d'archives, si bien qu'on se retrouve avec trois niveaux de mise en abîme et qu'on peine à distinguer Jeanne Balibar, l'actrice du personnage Brigitte de Barbara, la vraie. Oh yeah! Ça donne le vertige et pourtant on se laisse porter par cette mise en scène comme un enchaînement de tours de manège, la performance étant au rendez-vous. Il faut dire que la ressemblance de l'actrice avec la chanteuse est impressionnante et c'est souvent cela qui donne aux biopics les clés de la réussite. Oh yeah! Les biopics ont donc cette vertu un peu magique de ressusciter nos icônes disparues, voire parfois littéralement. The Searching for Sugar Man, réalisé par Majid Benjelloul en 2012, un film qui entrerait d'ailleurs davantage dans la catégorie documentaire plutôt que biopic, mais impossible de ne pas le citer ici. Sugar Man, c'est l'histoire de Sixto Rodriguez qui entame une brève carrière aux États-Unis au début des années 70. Il enregistre un premier album, puis un deuxième, mais ne rencontre pas vraiment le succès escompté et tombe peu à peu dans l'oubli. Pour la plupart des gens, Sixto Rodriguez est mort, mais de manière inattendue, une communauté de fans se crée quelques années plus tard en Afrique du Sud, érigeant l'artiste au rang d'icône post-mortem. Deux disquaires passionnés vont mener l'enquête sur ce personnage énigmatique, ambiance vinyle, blues et apartheid. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. L'autre rôle des biopics, c'est de mettre un coup de projecteur sur des personnages de l'ombre, marquant l'histoire par leur intelligence hors norme. On pourrait citer le très récent Radioactif de Marjane Satrapi, mettant en lumière le travail de Marie Curie, même si en vrai le film n'est pas ouf ouf, ou bien l'immense chef-d'œuvre de David Lynch, Elephant Man, sorti en 1980. Mais s'il y a bien un film dont on parle rarement et qui pourtant nous a marqué à sa sortie en 2014, c'est Imitation Game de Morten Tidulm, je sais pas comment on dit son nom, on le connaît pas en fait. Le film raconte comment Alan Turing, immense mathématicien et cryptologue, est engagé par le gouvernement britannique pendant la Deuxième Guerre mondiale afin d'entraver le fonctionnement de la machine Enigma, une machine de cryptage allemande réputée inviolable. Le film est prenant, à la fois par le jeu impeccable de l'acteur Benedict Cumberbatch et aussi peut-être parce qu'il retrace et dévoile un événement top secret de l'histoire. Je vous laisse un instant avec la BO qui rappelle un petit peu la musique des Césars. Et alors quid de nos personnages historiques ? Impossible d'en faire une liste exhaustive, il y en a une multitude et pour tous les goûts. L'un des plus célèbres et des plus beaux reste sans aucun doute l'immense Amadeus de Milos Forman qui nous dresse le portrait d'un Mozart prodigieux mais cinglé. Dédicace à Chloé Soulard, big up. Quant aux personnages politiques, pas mal y sont passés. Mandela, Thatcher, Elisabeth II, JFK, la femme de JFK, même Hitler a eu son petit biopic. Mais si je pouvais vous en conseiller un, c'est bien Le discours d'un roi réalisé par Tom Hooper en 2010, qui raconte l'histoire méconnue du père d'Elisabeth II, contraint et forcé de devenir le roi George IV, alors qu'il souffre d'un terrible bégaiement. Cette belle histoire est portée par un Colin Firth si touchant qu'on ne peut pas faire autrement que de s'y attacher. Parce que finalement, c'est peut-être ça le principal pouvoir des biopics, c'est de dévoiler. Dévoiler les pans de la vie de personnages réels, mettre l'accent sur leurs travers, leurs défauts, leurs handicaps, bref, leur humanité. Et parfois, pour parvenir à cela, il est permis d'y apporter une note de fantaisie. Désolée pour cette allitération en P qui fait des bruits dans le micro, c'est insupportable. C'est le cas de Marie-Antoinette de Sofia Coppola, réalisée en 2006, où l'on retrouve une reine rock et rococo habitée par une Kirsten Dunst déchaînée, dans un décor acidulé. Un décalage assumé, donc, avec anachronisme et subversion, c'est peut-être ça qui nous plaît. On adhère ou on n'adhère pas. Car les biopics restent encore une fois une affaire de subjectivité, celle du réalisateur qui propose une vision très personnelle du personnage, dont il fait le portrait, et celle du spectateur, qui la reçoit. Personnellement, j'attends avec des sentiments très partagés le biopic de Valérie Lemercier sur Céline Dion, et c'est peut-être là le plus gros défi que de dresser le portrait de quelqu'un de vivant. Mais on pourrait demander l'avis de la principale intéressée. Qu'est-ce que t'en penses, Céline ? J'espère qu'ils ont fait un bon boulot. Allez-y, allez-y. Mais... j'espère que ça va être beau. Parce que si c'est pas beau, ben ils vont recommencer. Ah oui, mais je suis entièrement d'accord. Et puis... que c'est le bonheur d'une mère de voir des sandwichs aux tomates à mayonnaise dans la cuisine. Mais grave, j'aurais pas dit mieux. Bon, ta gueule, Céline. Bon, sur ce, je vous quitte. Je vais écrire mon biopic sur Jean Gil. J'ai plein de choses à dire sur lui. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt sur les ondes pour une autre chronique cinéma. Chantez avec nous la Jean-Jean, la Guiguil, la Jean, la Jean-Gil. La chronique cinéma. Tu deviens complètement con ou quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je suis le parrain de ton fils. Mais enfin ! Lutin, malin, pestil ! Waouh ! Je la veux encore ! Ça ne doit plus arriver ! Ça fait partie des listes de choses qui ne doivent plus arriver ! Franchement !